plus profond de l'océan est un continent d'or. Il gît sous 3000 mètres d'eau. Dans son ciel passent les bateaux. Ses villes sont peuplées de sirènes. Liane souple aux grands cheveux blancs. Les marins se retrouvent tous après les grands naufrages. Ils y font des repas somptueux. Taxi les emmène visiter les trésors de Neptune. Le soir, sous les méduses lunes, ils rêvent de la terre qu'ils ne reverront plus. Atlantide est son nom. Atlantide est en vie, Atlantide est son nom, Atlantide est en vie. Je ne suis pas marin, mais si tu m'accompagnes, je suis prêt à partir au continent perdu. Je connais le chemin. Au-delà des montagnes qui nous y mènera, allons-y, le veux-tu? Atlantide est son nom, Atlantide est en vie, Atlantide est son nom, Atlantide est en vie. Nous marcherons tout droit, et ta main dans la mienne, je serrerai très fort. Nous ouvrirons les yeux pour mieux trouver l'endroit où se cache sous l'eau la ville aux portes d'or. Atlantide est son nom.